cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Man yadkur dalilan fi wujub istiqbal al-Ka'bah. Tafadhal. Al-Musif fi salatih. أحسنت الحديث في الصحيحين ثم استقبل القبلة فكبر ومن القرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام أحسنت سورة البقرة إلا في حالتين أي يجب استقبال القبلة إلا في حالتين الخوف في السفر في السفر على الراحلة وفي الحقيقة القسم كنا سيتي الخائف سأعم من الخائف فالصواب العاجز صفقه الخائف وغير الخائف أما الشيخ الألباني رحمه الله إلى دنيا مثال وأما في صلاة الخوف الشديد سانغلوب كذلك العاجز أو بلتو العاجز سانغلوب الخائف العاجز سيسوي كبالا كاباسيتي سابين دو العجز celui qui كبالا كاباسيتي de se diriger vers القبلة فلا شك أنه يصلي كما استطاع كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فالاستطاعة سيلة بلا كاباسيتي فيصلي كما استطاع قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مثلا أملت il arrive plus à bouger, il est sur son lit, il arrive plus à bouger, il n'est pas en direction de القبلة et l'heure de salat elle est arrivée. هذا il est عاجز. Il ne peut pas se lever et se mettre en direction de Qibla. فلهذا, s'il est عاجز عن الوضوء, il ne fait pas l'وضوء. S'il est عاجز عن استقبال القبلة, il ne fait pas القبلة. S'il est عاجز عن القيام, il fait salat comme il peut. فهذا, ça vous montre qu'un استقبال القبلة, pour le عاجز, il fait comme il peut. S'il a des personnes avec lui et ils peuvent le diriger قليلا en direction de la Qibla, طيب. لكن أحيانا, il est tout seul. ما يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا يبين قاعدة في القواعد الفقهية في هذا ما هي؟ لأن سانغلوب جميع العبادات. سين قاعدة من قواعد الفقه سين غيض الفقه ما هي؟ نعم كما أن الحرام يسقط الضرورة. سين قاعدة في الدين وقاعدة في الفقه. أن لا واجب مع العجز. Il n'y a pas de wajib avec l'ajj. Si tu es incapable, les wajibat, tu n'es pas concerné. Une personne, il ne peut pas faire l'wudu, il ne peut pas se mettre en direction de Qibla, il ne peut pas se mettre debout. Fa huwa, il est excusé. Kadhalik, pas de haram avec darura. Celui qui est en darura, fa il n'est pas concerné par le haram. Fi hal al darura. Darura, c'est il est en nécessité vitale. Si il ne fait pas cette chose, fa il peut mourir ou il peut tomber malade. Ou son cas il peut s'aggraver. On avait vu beaucoup d'exemples. Celui qui a plus de quoi manger, il trouve une bête morte. Fa yajouz la. Yajouz la. Bab al-darura, on l'a vu en détail fi al-qawa'id. Fa hada, on se sert de cette qa'ida avec les adillah qu'on a cités. Fa bi hada, bi idnillah, on a fini bab al-qibla. Anna ba'd al-ikhwa, ils font pas attention à hiyanan. أحيانا تغوف في الصلاة لغوك devant toi il est هكذا la قبلة est هكذا أنت t'es au deuxième rang donc il y a le premier rang le deuxième rang le premier rang il y a un frère maintenant il perd l'odo il sort il part ça fait هنا de ce deuxième صف il y a une personne qui s'avance أنت بيو أحيانا une personne il est à droite ou à gauche et il se قدم في هذا الحال il est plus en direction de Qibla هذا الحال il doit pas s'avancer هو celui qui s'avance c'est celui qui est derrière هذا أو هذا أو هذا هؤلاء s'ils s'avancent فلا شك أنهم ils vont pas ينحرفون عن Qibla لا هؤلاء s'ils avancent tout droit أما ما بالك هنا tu le voit beaucoup chez les enfants et même chez certains adultes. Il est huna et il se déplace. Antal an, dès que tu es ici, la qibla, nous, dans notre majid, elle est comme ça. Al an, ouwa, il se déplace hakada. Son corps, l'an, il est dirigé hakada. Il n'a plus de qibla. Et al qibla, c'est un short fi jami' al-salah. Fahia d'al hal, yuntaba. Anta, c'est pas à toi d'avancer. Celui qui avance pour boucher le trou du saf. Du saf qui est devant lui, c'est celui qui est derrière. Voilà, yambari, anna ba'd al-ikhwa. Il y a un trou devant lui, un espace, et il n'avance pas. Enfin, c'est ça qui pousse à un autre, il va avancer. Enfin, si l'espace il est devant toi, avance, Akhi. Avance. Ou alors, si tu as des livres avec toi, avance, et les livres, tu les récupères après. Ils ont des choses devant eux, ça les empêche d'avancer. Avance, Akhi, si tu ne peux pas prendre avec toi. Si c'est quelque chose de yassir, prends-le et avance. Mais on a beaucoup de choses avec nous, des livres, des... Enfin, avance. Avance et après salat, tu récupéreras tes livres. Hada, c'est muhim, on l'a vu, kathiran. Dès que tu avances, tu dois rester en direction de qibla. C'est pour ça que notre sutra, dès que tu fais salat tout seul, dès que ta sutra, maintenant, c'est un frère qui est assis devant toi, il part, t'avances, tu restes en direction de qibla. Tu restes en direction de qibla, via d'al-hal. Fafi yad al-hal, la yadr. Liyanna, yajouz, stu haraka, comme a fait sunna, aïe de s'avancer, et t'es toujours en direction de qibla. Celui qui a des fawa'id, tayyib. Celui qui raja' dans des kutub, ou qui lit des shuruhat, et il a des fawa'id, des choses qu'on oublie, fa tayyib. S'il les emmène, tayyib. Fawa'id avec l'adilla et les références. Qala rahimahullah al-qiyam. Rukn min arkan al-salat. لا تصح الصلاة إلا بهذه الأركان. لا تصح الصلاة إلا بهذه الأركان. La salat elle est pas valide qu'avec ces piliers. Al-an, le premier dars on avait vu les conditions à shurut, istiqbal al-qibla et les autres shurut. Al-an, aujourd'hui on va voir l'arkan, les piliers de salat. Vous remarquerez que les shurut c'est avant la salat. At-tahara, an-niyya. Tout ce qu'on a vu, les 9 shurut. Amma al-arkan, c'est pendant la salat. Al-arkan, c'est pendant la salat. C'est les piliers de la salat. La tasih illa bihadi al-arkan. Cheikh Al-Albani, il a cité al-qiyam. Et il a cité la plupart des arkan, il les a cités. Les anna, sifat al-salat. La description de la salat du Prophète, elle est basée sur ces arkan. Vous allez voir al-qiyam, al-takbir, ila akhri. Cheikh Al-Albani va les détailler wahid wahid. Dans son kitab, sifat al-salat. Amma nahnu, l'yom, on les cite un par un, hatta on a une image d'arkan, et petit à petit, Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, il va les détailler. Al-rukn al-awwal al-qiyam, ma'a al-istita'a, c'est le premier rukn qu'on va voir aujourd'hui, le premier pilier. Al-qiyam ma'a al-istita'a, aïe se mettre debout avec la capacité. Ma'a al-istita'a. Amma al-ajiz, enfin on a une règle, nahnu. On a une règle, on l'a vu dans le Qawa'id al-Fiqhiyya et on l'a cité aujourd'hui. Annahu la wajib ma'al ajz. Qiyam ou autre, celui qui n'a pas la capacité, il a une excuse, il ne le fait pas. Il est excusé. Et là, on va le voir en détail. Le deuxième rukn, le deuxième pilier, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Le fait de dire Allahu Akbar au début de la salat, le premier takbir, c'est un rukn. Le troisième pilier, qira'atul fatiha. La salat liman lam yaqra bi fatihat al-kitab, qala Isa alayhi salam. La récitation de la fatiha, c'est un pilier. Le quatrième, al-ruku', l'inclinaison. Le cinquième pilier, al-i'tidal min al-ruku', aïe le redressement de cette inclinaison. Le sixième rukn, al-sujud, la prosternation. Le septième rukn, le septième pilier, al-raf' min al-sujud, aïe se relever du sujud. Le huitième rukn, al-jalsa bayna as-sajdatayn. Quand tu t'es relevé du sujoud, tu vas te retrouver en position assis. Cette position, c'est un rukn. On ne parle pas de jalsa al-istiraha. Là, on parle de la position assis entre les deux sajda. Enfin, le sujoud, c'est un pilier. Et la position assise entre les deux sujoud, c'est un pilier. Kadhalik. Le deuxième, ou le neuvième rukn, at-tumanina fil-kull. La sérénité, la personne, il est mutma'in fi jami'a hadhihi al-arkan. Amma katratul haraka, le fait de trop bouger, pas avoir de tumanina, on va voir ça. On va voir c'est quoi, c'est quand que ça batta la salat. Al-haraka al-yassira la tadur. La tadur. Amma, la personne, il n'a plus de tumanina, il n'a plus cette sérénité fils salat. Fa yurcha min butlaniha, et on verra hadha al-bab en détail, bi-idnillah. Le deuxième rukn, al-tashahud al-akhir. Al-tashahud al-akhir. Amma, on va voir que le premier, c'est min al-wajibat. Amma, l'un, le dernier tashahud. Si c'est une salat de deux raka'a, fa yakal tashahud, c'est celui-là. Si c'est une salat qui a quatre raka'a, fa c'est pas le premier tashahud, c'est le dernier. Le onzième rukn, al-julus. Al-tashahud al-akhir. La position assise dans le dernier tashahud. On a deux positions assises là, dans les arkans. On a entre les deux sajda. Il n'y a pas de tashahud. Et on a la position assise dans le dernier tashahud. Ahadi, c'est min al-arkan. Le douzième un pilier. As-salatu ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. As-salatu ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans le dernier tashahud. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الصلاة الإبراهيمية المعروفة. Le treizième pilier, الترتيب. وهذا واضح. L'ordre de ces piliers. T'as pas le droit de commencer la salat en sujoud. Il y a un ordre. Tu dois commencer avec le takbir. T'es debout. T'as la récitation, tu dois réciter le Fatiha. Thumma ruku', thumma tu te redresses du ruku', as-sujud, wa hakada. Amma une personne qui commence par tashahud al-akhir, alors salat alayh. Il y en a, l'ordre, c'est un rukn min arkan, as-salat. Le dernier pilier, at-taslimatan. At-taslimatan. Et on verra, masala at-taslimatan. Est-ce que le wajib c'est qu'une taslima ou les deux? Ça, on verra bi-idhnillah à la fin du livre. At-taslimatan, le fait de dire salam alaykum wa rahmatullah à la fin de la salat, en se tournant légèrement à droite et à gauche, hada, on verra à la fin du livre. Kadhalik, faites-moi penser à la fin du livre, on voit ahkam sujoud al-sahw. On laisse à la fin, hatta, une fois qu'on a compris sifat al-salat, si t'as oublié un rukn, si t'as oublié un wajib, comment faire? Mas'alat sujoud al-sahw. Bi-idhnillah, on fera une kalima à la fin de le kitab. Hatta, ça nous fera réviser le livre et on verra si tu oublies kada, qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que c'est avant at-taslim, ba'd at-taslim, est-ce que c'est obligatoire, amla. Si tu as un doute, si tu as rajouté, si tu as diminué, tout ça on verra, bi-idhnillah, à la fin du livre. Et sujoud al-sahw. Hada ma yata'allaq bil-arkan. Et aujourd'hui on commence avec al-qiyam. قال الإمام ناصر السنة الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع. الفرض الواجب الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. التطوع c'est autre que ces 5 salawats. Il appelle كذلك النوافل. Les prières recommandées, elles ne sont pas obligatoires. Kadduha, walwitr, wa rawatib, as-salawat al-khams, qiyam al-layl. Tout ça, c'est tatawwa. C'est pas obligatoire. Qala ittimaran bi qawlihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Il a cité, rahimahullah, al-dalil min al-Qur'an ala wujub al-qiyam. Qala azza wa jal wa qumu lillahi qanitin. C'est un amr. C'est un ordre, waqumu. Et on avait vu fil usul, an al-asl fi al-awamir, c'est al-wujub. Waqumu lillahi qanitin. Khassatan, on va voir l'ijma' wa ad-dali min al-sunna, ça va être wadih. Amma qawlu al-tatawwu', on verra plus tard. Al-an, nahnu, on va montrer les adillah sur l'obligation de se mettre debout dans salat al-fard. Amma al-tatawwu', ça yati ma'ana al-an. الدليل من القرآن فذكره الشيخ رحمه الله وقوموا لله قانتين. أما الدليل من السنة على أن القيام ساركن من أركان الصلاة على المستطيع بيان سيق celui qui est capable. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث سيأتي الشيخ الألباني لا سيتي. Il l'a cité la page suivante. Salat al-Mari Jalisan. Hada, c'est un dalil ala wujub al-qiyam. Sauf celui qui n'a pas la capacité. Fa liyada qala alayhi sallam, fa illam tastati'. ça montre que si tu es capable, tu ne t'assois pas. On a fait salat al-fard, nafila c'est autre chose. On a fait salat al-wajiba. Wa naqala al-imam ibn Abdelbar rahimahullah fi kitabihi al-tamhid al-ijma' ala dhalik. Qala rahimahullah wa ajma' al-ulama على أن القيام في صلاة الفريضة فرض واجب على كل صحيح قادر عليه. L'unanimité des savants que la position se mettre debout pour la salat obligatoire, c'est une obligation. Donc la personne il a la capacité. بهذا s'il a pas la capacité, تقدم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال لا يجزي غير ذلك إن كان منفردا أو إماما. Aïe laoukana, mon farid ou imam, les deux. Que ce soit un imam ou il est tout seul ou il prie derrière l'imam. Al-Asl, c'est que tu pries debout. Hada. On va voir mas'alat, si l'imam il prie assis, est-ce que tu pries assis? Ça y a t'imam. أجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض واجب على كل صحيح قادر عليه لا يجزي غير ذلك إن كان منفردا أو إماما. صحيح أن الإجماع إلى بقطونا لأن إلى بسيط المأموم لأن المأموم on va voir que il y a une sourate où il n'est pas obligé d'être debout sous son imam il est assis. فلهذا هو إلى نقل الإجماع منفردا وإماما pour la personne qui prie tout seul أو c'est l'imam. Amma celui qui prie derrière l'imam, on va voir qu'il y a un khilaf avec l'ahl al-ilm. Si son imam il prie assis, il est malade, est-ce que toi tu pries assis derrière lui? Innama ju'ila al-imam liyutamma bih, qala alayhi sallam hadith Abi Sa'id. Est-ce que tu le suis, tu t'assois ou tu pries debout? C'est ce masala qu'on va voir sur l'Albani, il l'a détaillé. Et هذا كلام ابن عبد البر il est précis رحمه الله. نقل الاجماع على المنفرد والامام. اما المأموم فسياتي معنا une sourah ان العلماء ils ont un khilaf est-ce qu'il prie debout ou assis. قال الشيخ الالباني رحمه الله في المتن واما في السفر فكان يصلي على راحلته النافله. تقدم هذا في باب استقبال الكعبة أن في السفر صلاة النافلة فإلا فزي أسي سر سامونتور ستموت أن النافلة في السفر سر لامونتور يجوز تلا فيس يجوز بل النبي صلى الله عليه وسلم يفزي هكذا وهذا تقدم. ففي صلاة النافلة الآن هنا دو شوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر t'es pas obligé de te mettre en direction de l'Qibla et t'es pas obligé de te mettre debout. Enfin, tu peux la faire assis dans n'importe quelle direction. هذا استفدنا des deux bab. قال الشيخ الألباني وسنى لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم. أو قبل هذا ونولي المسألة. نعم ونولي المسألة وهي حكم القيام في صلاة النافلة. Autre, on n'est plus dans la مسألة la monture. La monture, خلاص. On a un dalil ala hada. Et on n'est plus dans mas'alat al-safar, le voyage. Al-an salat al-nafila fil hadar. T'es pas en voyage. Est-ce que se mettre debout fi salat al-nafila c'est wajib amla? Est-ce que tu peux faire salat al-nafila assis? روى الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. دليل على أن صلاة النافلة حتى في الحضر يجوز الجلوس فيها. T'as le droit de t'asseoir في صلاة النافلة. On le voit في صلاة التراويح. ولو ton imam il est debout, t'as le droit de t'asseoir. حتى chez toi, tu fais صلاة قيام الليل. قيام الليل. T'as le droit de faire cette صلاة assis. ولو t'es قادر. Il ne faut pas comprendre من هذا أن cette situation c'est pour celui qui n'a pas la capacité. Là. Là. Celui qui n'a pas la capacité, حتى الفرد, il le fait assis. نحن on parle un, il a le choix. Ou il est en forme. Il a le droit de la faire assis et il a le droit de la faire debout. لكن أكثر الأحوال, أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم, c'était القيام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى, il explique حديث عائشة qu'on a lu, فيه جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام. هذا. T'as le droit de faire la salat assis, النافلة, في الحضر. T'es résident, t'es pas voyageur, mais al-qudra al-qiyam, alors que t'as la capacité de te mettre debout. Qal wa huwa ijma' al-ulama. Notez les ijma'. Ceux qui notent pas, au moins notez les ijma'. نحن on avait dit, notez pas tout ce qu'on dit, لكن rien noté là. Notez au moins l'ijma. Notez les adillah, hadith Aisha fi Muslim. Thomas tu dis, قال الإمام النووي إجماع على ذلك وهكذا. Il faut un cours là, Alain, pour les notes. Demandez un tout. Ceux qui ont du mal à prendre des notes, ils demandent à un frère qui a des facilités, il lui explique. Hada, c'est muhim, ya jama'a. كلام الإمام النووي في شرح مسلم عند الحديث حديث عائشة وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وقد أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة دوزيام إجماع أن السلمام تبخي دغغ الإمام صلاة النافلة صبايت صلاة التراويح إجماع العلماء كم ممسيطو إمامي لدبو تلغوا دو تسوار دغيا إجماع أهل العلم. On n'est pas salat al-fard, c'est autre chose. Salat obligatoire, c'est autre chose. Al-an, les deux ijma'at fi salat al-nafila. Si t'es tout seul, ijma' al-ulama que tu peux faire assis, voilà où t'as la capacité d'être debout. Deuxième ijma', ijma' al-ulama, si tu pries derrière un imam al-nafila, matalan salat tarawih. Fa, voilà où s'il est debout, anta t'as le droit de t'asseoir. Kalam min Abd al-Barr, min kitabihi l'istidkar. Lakin, y a un tambih huna. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم اعلم حفظك الله أن le fait de s'asseoir في النافلة alors que tu as la possibilité de la faire debout, tu as la moitié de la récompense. لأن الأجر إلى بقدر التعب معروف هذا أن هذا الدين Et la récompense, elle est par rapport à la souffrance. Plus une personne y souffre, fidin illah. Avec dhawabit shar'iyya, bien sûr. Ama la souffrance de Ahl al-Bida'a. Il jeûne, il se met au soleil. Ou il ne mange plus. Ça, c'est khurafat wa bida'a. Il est athim, il n'a pas d'adj. Nous, là, on parle anna les choses mashru'a. Enfin, maintenant, plus la salat elle est longue, plus la personne y souffre et est patiente debout, plus il a la récompense. Une personne qui s'assoit, elle a chaque qu'il aura moins de récompense. هذا قال عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم الحديث يبقى سيتي شيخ الألباني رحمه الله فهذا سي مهم ستمتخ أيها المسلم que si t'as la capacité de rester debout خاصة t'es jeune t'es en bonne santé فprofite-en سيأتي يوم t'auras plus la capacité. Il viendra peut-être un jour une maladie ou la vieillesse, tu ne pourras plus faire tarawih debout ou qiyam al-layl debout. Hatta al-wajib tu ne pourras plus le faire debout, rubbama. Fa la personne elle a il n'est plus s'il est capable, fa yasbir. Yasbir li anna al-ajr li a'zam. Fa hadha ma yata'allaq bil nafila. Al-khulasa anna salat an-nafila tu peux la faire assis. Walaw tu as la capacité. Ou la capacité de te mettre debout, il y a juste, tu l'as fait assis, et la preuve, c'est le hadith de Aïcha, radiyallahu anha. Qala Cheikh al-Albani, rahimahullah, wa amma fi safar, fa kana yusalli ala rahilatihi nafila. Taqaddam hada. Qala wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawf al-shadid ala aqdamihim, aw rukbanan kama taqaddam. Hada kadhalik, on l'a vu, ams, salat, al-khawf, al-khaif, khawf shadid, hada. On avait expliqué, non, il peut prier assis ou en marchant. Wahakada. Tout ça, on l'a vu un petit. قال وذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية. الشاهد وقوموا لله قانتين وقوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. Si la personne il est في حال خوف فرجالا ما معنى رجالا؟ نعم على قدمي أي يمشي ركبانا؟ لا ركبانا أحسنت على الراحلة أي سافيان الركوب أي il est sur sa monture. فهذا فإن خفتم c'est un شرط une condition si t'as peur que ça soit jihad ou غير الجهاد لكن الخوف معروف مضبوط بأدلة الشرع. Tout ça on l'a vu أمس. قال رحمه الله وصلى في مرض موته جالسا سيأتي هذا le prochain باب صلاة المريض جالسا. On délaisse هذا pour demain ou pour à la fin du cours. صلاة المريض جالسا on verra هذا. يونا ستيري أدلة حديث عمران وبابوك عمران رضي الله عنه إذا تمالا فسا on laisse pour le prochain chapitre حتى on جمع الكلام le كلام qui est sur le même sujet on le fait d'un coup. قال وصلها أي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما اشتكى أي النبي صلى الله عليه وسلم il était tombé de sa monture et il s'est fait mal. Il s'est fait mal, alayhi salatu wassalam, fait il avait du mal à faire salat debout, il a fait salat assis. Il était marid, hukm al-marid, il était malade. Fait alayhi salatu wassalam, il a fait salat assis. Qala, wa salla al-nas wara'ahu qiyaman. Al-Nabi salatu wassalam, c'était l'imam. Il a fait salat assis. As-sahaba derrière lui, ils ont fait salat qiyaman, debout. Les al-nas, c'est ça l'asli. Wa qumu lillahi qanitin. Faqala alayhi salatu wassalam, فأشار أو فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم قال يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون الحديث إلى في الصحيحين كما في الحاشية هذه المسألة الآن elle est muhim. Wahia, comme on l'a expliqué, le Nabi alayhi salatu wassalam, il s'est blessé, il est tombé de sa monture, il a fait salat assis, et ses compagnons derrière lui, ils ont fait salat debout, radiyallahu anhu. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم إلى علل هذا الكلام بقوله عليه الصلاة والسلام يقومون على ملوكهم وهم قعود نعم أي من أفعال الأعاجم من أفعال فارس والروم أنهم leur roi il était assis et eux ils se mettent debout والنبي صلى الله عليه وسلم il nous a interdit نحن de faire هذا حتى في الصلاة si l'imam il est assis on s'assoit si il est debout on est tous debout معروف قال فلا تفعلوا سنهي إنما جعل الإمام ليتم به الإمام c'est un imam que parce qu'il est suivi. C'est ça un imam, c'est une personne qui est suivie. Un imam fait salat, c'est une personne qui est suivie fait salat. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il explique à ses compagnons, si je suis votre imam, je suis assis, vous devez suivre, tu t'assois. Kadalik al-imam, imam al-ab, c'est une personne qui doit être suivie, fait ta'atillah, le gouverneur. Il l'appelle imam. Les annaou, il est suivi. Kadalik al-imam fi din, al-imam fi sunnah. On dit matalan sur l'Albani, c'est un imam. Aïe, il est suivi. Bien sûr, tant que il a le dalil, tant qu'il est à l'al-haq. Un imam, c'est ça, c'est une personne qui est suivie. L'imam fait le salat, il yajib de le suivre. Lakin, cette mas'ala, comme vous le savez, on va détailler un peu la mas'ala de prier, si l'imam il prie debout ou assis, pour une raison, quelconque maladie ou autre, est-ce que tu pries assis? S'il n'y aurait que ce hadith, la mas'ala serait wadiha. Probablement, tu aurais trouvé un ijma' à la hada. Le hadith, il est wadih, la taf'alou. Le Nabi sallam, il a prié assis. Il a ordonné qu'il s'assoie. Bil ishara. Il aura fait un signe, asseyez-vous. Il n'y aurait que ce hadith, fa wadih. La mas'ala serait claire. Lakin, il y a un autre hadith. Qissat Abi Bakr. Ma'a le Nabi sallam, une autre maladie. La maladie de sa mort, alayhi salatu salam, avant qu'il meure. مرة النبي عليه الصلاة والسلام il n'est pas sorti pour la الصلاة تعلمون أن celui qui remplaçait le prophète صلى الله عليه وسلم c'est أبو بكر فمرة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر il a commencé à faire la الصلاة debout suivez bien الآن لأن c'est important de voir comment faire avec ces deux hadiths. أبو بكر رضي الله عنه il commence الصلاة debout لأن أبو بكر il était pas malade. Sahaba derrière lui debout. Al-An, c'est normal. Al-Nabi alayhi salatu salam, il est rentré. Et il s'est assis à côté d'Abu Bakr. Al-Nabi sallallahu alayhi salam, c'est devenu l'imam. Abu Bakr, il suit le Nabi alayhi salam. Les gens derrière Abu Bakr, ils suivent Abu Bakr. Al-An, il est assis, ils ne le voient pas. Ça, c'est le deuxième hadith. Al-An, بعض العلماء, ils ont dit que Nabi sallallahu alayhi salam, il était assis et les Sahaba, ils étaient debout derrière lui. Et le premier hadith, Al-Nabi sallallahu alayhi salam, il est assis et As-sahaba, ils sont assis. Fa'al-ulama khtalafu. Est-ce qu'on doit se mettre debout? Aïe, le premier hadith, il est mansour avec le deuxième. Ou, yajouz hada wa hada. Aïe, c'est mimbab, l'istihbab, c'est ce qu'on va voir al-an. Anta awalan comprend les deux hadiths. T'as deux hadiths dans le mas'ala. Hadith, qissat Abi Bakr. Et le premier hadith qu'on a filmé. Naam. أي النبي صلى الله عليه وسلم quand il était tombé de sa monture il a fait salat assis. أنت أنت أسيدو حديث. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة. Le premier قول, il y a deux قول dans cette مسألة, il y a deux avis. Le premier avis, أن المأموم يصلي قائما وإن قعد إمامه. Le premier avis, le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, il prie debout. À la kulli hal. Ou alors son imam est malade, il s'assoit. Qui commence la salat assis, ou il s'assoit au cours de la salat. Pour les savants de cet avis, c'est la même chose. Leur dalil, c'est le deuxième hadith. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait imam la deuxième fois assis, et ils sont tous restés debout. Qu'est-ce qu'ils répondent au premier hadith, ha'oula, al-a'imma? Qu'est-ce qu'ils répondent au premier hadith? Le premier hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pas assis, il leur a dit asseyez-vous. Ça va être quoi leur réponse? Annahu il est mansour. Annahu, le premier hadith, il est abrogé par le deuxième. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a fait assis. Il a dit à ses compagnons, asseyez-vous. Ils sont assis derrière lui. La deuxième fois, il est assis, ses compagnons, ils sont debout. Ses savants, ils ont dit, ça montre que le deuxième hadith, il abroge le premier. Et il y en a une fois, le prophète, il leur ordonne de s'asseoir, la deuxième fois, là. فَعِنْدَهُمْ يَنْتَعَارُدْ قَالُوا بِالنَّسْرِ. Ça, c'est le premier قول. وَهُوَ قَوْلْ جَمْعُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمَ الْإِمَمْ مَالِكُ وَالْإِمَمْ الشَّافِعِي وَالْإِمَمْ الْبُخَارِي. الإمام بخاري معروف dans son صحيح ذكر قول الحميدي نصر هذا القول. Et leur hujja, c'est le deuxième hadith, et ils ont répondu au hadith de Aisha, il a abrogé. C'est un قول قوي هذا. قول كثير من أهل العلم. Le deuxième قول dans cette مسألة, أنه يصلي أي المأموم القادر على القيام خلف الإمام الجالس جالسا. Le deuxième avis, أنه ولو s'il a la capacité de prier debout, son imam il est malade, il est assis, il s'assoit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré un ijlisu, asseyez-vous. C'est un ordre, l'ishara, il leur a fait un signe, asseyez-vous. Kadhalik, il leur a dit, la taf'alou. Et il leur a montré que c'était une mushabaha bil a'ajim, faris wa rum. Les Perses et les Romains. Enfin, ça montre qu'un si l'imam il s'assoit, on s'assoit. هذا c'est le قول الثاني. لكن هذا c'est على الاستحباب. الآن rappelez-vous des قواعد في الأصول. Ça va vous aider. لماذا on dit c'est على الاستحباب? لماذا on dit pas c'est واجب? النبي صلى الله عليه وسلم a dit لا تفعلوا. Et النبي صلى الله عليه وسلم il aura ordonné une ishara, je l'ai dit. Pourquoi on dit pas que c'est obligatoire de faire la salat assis derrière l'imam qui prie assis? عندمان. C'est une obligation. La base dans l'ordre, c'est l'obligation. Al-An, il a ordonné de s'asseoir. Ça, pourquoi on ne dit pas que c'est une obligation? On dit que c'est mustahab. La première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de s'asseoir. On n'aurait que ce hadith, ça serait wajib. Lakin, ما أنكر عليهم القيام. Ça te montre que le amr il passe à l'istihbab. On l'a vu dans l'usul. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il ordonne une chose, thumma, cette chose, imma lui, il fait autre, ou un sahabi il fait autre, wa la yunkar alay, ça montre que cette chose elle est mustahabba, et t'as le droit de faire l'inverse. Al-Yad al-Qawl ashab al-Thani, ils disent le mieux c'est de s'asseoir derrière l'imam. Contrairement au Qawl awwal, eux ils disent tu t'assois pas, c'est obligatoire tu te lèves, l'Yad t'as la capacité. Le deuxième Qawl ils disent là, l'Yad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de s'asseoir, et après, ses compagnons ils sont pas assis, il a rien dit. Ça montre que le fait de s'asseoir c'est mieux. Et rester debout c'est jaiz. T'as al-jawaz, c'est debout, c'est permis. Ton imam il est assis, tu pries debout. Et al-afdal, tu pries assis. Les anna, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, amara bidhalik, ça devient amr istihbab. C'est un ordre, lakin cet ordre il implique que c'est une chose recommandée. Hada. Vous rappelez du mital de Cheikh Ibn Uthaymeen dans l'usul, min ilm al-usul? Ce livre, c'est une perle, celui qui le maîtrise. Sarahatan, t'as pas besoin fil usul de 4 al-kutub et tu retiens pas. Ce livre, si tu le retiens, il y a que fiqh fil fiqh. Les livres de fiqh de débutants, comme on fait nous. Mais là, chaque plus tard, tu auras besoin d'autres choses. Lakin, l'an, à notre niveau, nous, celui qui maîtrise l'usul. Lakin, maîtriser, c'est maîtriser, ya jama'a. Entre l'an, comme t'as besoin de l'usul, t'as pas le livre l'an. On n'a pas l'usul, mais l'usul. L'an, c'est que ce que t'as hafad et t'as compris. L'usul, mais l'usul, c'est un outil pour le fiqh. T'en as besoin toujours. Al-An, si cet outil tu bloques, tu sais plus comment faire. Pourquoi, à ton avis, Al-Awam, Et ceux qui n'ont pas tlab al-ilm, c'est des muqallid la plupart. Mais là, ils n'ont pas l'outil. Maintenant, hum, tu lui dis le premier qaul, le deuxième qaul, il n'a pas l'outil pour savoir c'est lequel sahih. Il ne va pas savoir. Al-an, tu vas comprendre pourquoi le deuxième avis, c'est le plus juste. Avec ce règle de usul, tajma' bayna al-adilla. Et tu sais que le premier amr, c'est istihbab. La deuxième chose, c'est min bab al-jawaz. Tu comprends que c'est le qaul al-sahih. C'est quoi l'exemple de Cheikh Ibn Uthaymeen, Yassine? T'as de quoi? لا قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم أمر سأمر وأشهدوا إذا تبايعتم الله سبحانه وتعالى il leur donne si on fait une vente il faut des témoins c'est un ordre النبي صلى الله عليه وسلم il a acheté فرس من أعرابي il a pas pris de témoin ça montre que prendre des témoins pour le bayع c'est même pas à l'istihda tu peux pas dire c'est mansour on peut pas dire النبي صلى الله عليه وسلم il a pas pris de témoin ça veut dire que l'aïa est mansoukha abadan عند أهل الأصول ça marche pas comme ça لأن tu peux jouer entre les adillah le fait de prendre des témoins pour une vente c'est recommandé لأن النبي صلى الله عليه وسلم ça serait obligatoire il l'aurait fait لكن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a délaissé pour te montrer que c'est pas une obligation لأن قد يقول قائل لماذا le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a pas fait si c'est un ordre ولو c'est مستحب لا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا il fait des choses pour te montrer que c'est permis مثلا il a fait exprès النبي صلى الله عليه وسلم de délaisser de prendre des témoins pour te montrer que c'est pas une obligation c'est min bab al-afdal فالآن c'est la même chose النبي صلى الله عليه وسلم il ordonne de s'asseoir deuxième hadith les compagnons ils sont debout il leur dit rien ça montre que l'ordre c'était une chose recommandée ce qu'on fait au sol bi'idhnillah yafhamoun dès qu'on le rappelle ce qu'on pas fait seul essaye de comprendre alladhi tastati amma nahnu on avait dit anas kitab aslan c'est pour les frères qu'on fait al-usul le deuxième qawl donc c'est l'avis le plus juste wallahu ta'ala a'lam c'est qawl de l'imam Ahmed rahimahullah الإمام إسحاق ابن راهوي وحماد ابن زيد وكثير من أئمة السنة وهذا القول كذلك لمروي عن الصحابة في مصنف ابن أبي شيبة ونبيه في شرح البلوغة بالأسانيد الصحيحة أن الصحابة يبخيه أسي ودرغوا لكمبانيو أسي وبرسن أنكر aucun des compagnons il a dit pourquoi vous vous levez pas ça montre أن القول إلى الصح وأقرب ومن الصحابة الذي نقل عليهم هذا نعم نقل نعم عنهم هذا أسيد ابن حضير وقيس وجابر ابن عبد الله وأبو هريرة ومحمود ابن لبيد رضي الله تعالى عن الجميع ولا يعرف عن هؤلاء الصحابة مخالف on a jamais il y a pas d'athar qui montre un sahabi il a dit pourquoi vous faites alors que si tu réfléchis cette salat que Abu Huraira il a fait ou Jabir il y avait jam'un min as-sahaba il a pas fait salat tout seul c'était dans une mosquée ils étaient beaucoup personne a khalif ça montre الناس القول الصحيح ça serait une mukhalafa as-sahaba ils auraient parlé ils auraient dit limada vous vous levez pas ça montre que suivre l'imam fi hadal hal c'est une sunna s'il est assis lakin ceux qui se lèvent si al-ma'mumun islam fala bas c'est jaiz هذا الخلاصه بهذا القول il manque une mas'ala لماذا القول بالنسخ ليس valid on revient au sol باب النسخ لماذا باب النسخ في هذا الحال ليس valid تفضل يا زين احسنت لان من الشروط من شروط النسخ pour parler de abrogeant abrogé tu peux pas rassembler entre les deux hadith donc في هذا الحال on peut parler de نسخ de abrogé abrogeant اما الان on peut rassembler les deux hadith la première fois le prophète صلى الله عليه وسلم il leur a ordonné de s'asseoir لان c'est préférable la deuxième fois il les a laissés debout لان c'est permis أما بعض العلماء ils ont fait le نسخ كأنه ça se contredit وفي الحقيقة ça se contredit pas qui sait qu'un exemple de نسخ où ça se contredit حتى on voit la différence avec notre مسألة on a vu beaucoup d'exemples un نسخ ça se contredit t'es obligé de faire le نسخ appliquer le نسخ في الجهاد أن au départ une personne il devait combattre 100 ou 10 une personne il devait combattre 10 à la fin Allah subhanahu wa ta'ala il a allégé un mu'min il doit combattre deux kuffars في هذا الحال la chèque c'est le nasr tu peux pas combattre 2 et 10 c'est soit 2 soit 10 في هذا الحال le deuxième verset il abroge le premier c'est passé de 10 tu combats 10 à 2 amma هنا on peut rassembler les deux hadiths on peut dire que si tu es debout c'est permis et si tu t'assois c'est préférable hein? C'est ça le qawl as-sahih انظر فتح العلام صفحة 37 المجلد الثاني إلى فان بحث جميل والله لخص نحن هنا كذلك سوك أناليز بيان لأدلة أن دون لو دوزيام صلاة إمام سي أبو بكر L'imam c'est Abu Bakr. Ils ont prié debout, ils ont commencé salat debout, l'imam c'est Abu Bakr. Tout le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, c'est devenu l'imam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme le premier hadith, un imam, au début, c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, assis, on prie assis. Ça montre un imam, s'il prie assis, du début, on prie assis. Hada afdal. Hada, wallahu ta'ala, a'lam. Demain, bi'idnillah, on commence salat al-marid jalisan. Mais aujourd'hui, on a détaillé hadi, c'était muhimma. Et demain, on verra des masail fi salat al-marid. Comment il fait salat, la salat sur les chaises. وهكذا لا بأس وضمني بالصيف دو أصول معكم لا بأس حتى تسير المسألة لكن تغيب أغيب رابيد مون طيب شو غيب الفهرس ديكم بارل دو أمر ستان بخلان توفر باب الأمر ساتفرا غيبزي جدا فلا بأس سي وضمني بالصيف دو أصول اي بالصيف دو قواعد لا بأس أفضل ستفير لكور أفان مثلا فو Tu sais que maintenant, cette mas'ala, on va parler de Nasr. Anta, tu révises ton cours de Nasr, t'arrives, t'es prêt. Hada afdal, celui qui prend de l'avance dans les cours. Il sait de quoi on parle, là, chaque année, il aura de l'avance. Hada anfa, lakin, ça demande du temps. Mais si vous n'avez pas de temps, celui qui emmène le livre, il révise après, t'arrives. Subhanakallahu wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.